Livre deuxième, le gouvernement. 1. La Constitution. Roulement de tambour. Manant, attention. Le président de la République. Considérant que toutes les lois restrictives de la liberté de la presse ayant été rapportées, toutes les lois contre l'affichage et le colportage ayant été abolies, le droit de réunion ayant été pleinement rétabli, toutes les lois inconstitutionnelles et toutes les mesures d'état de siège ayant été supprimées. Chaque citoyen ayant pu dire ce qu'il a voulu, par toutes les formes de publicité, journal, affiche, réunion électorale, tous les engagements pris, notamment le serment du 20 décembre 1848 ayant été scrupuleusement tenu, tous les faits ayant été approfondis, toutes les questions posées et éclaircies, toutes les candidatures publiquement débattues, sans qu'on puisse alléguer que la moindre violence ait été exercée contre le moindre citoyen, dans la liberté la plus complète, en un mot, le peuple souverain, interrogé sur cette question, le peuple français entend-il se remettre pieds et poings liés à la discrétion de M. Louis Bonaparte, a répondu « oui » par 7 500 000 suffrages. Interruption de l'auteur. Nous reparlerons des 7 500 000 suffrages. Promulgue la Constitution dont la teneur suit. Article 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français. Article 2e et suivant. La tribune et la presse, qui entravaient la marche du progrès, sont remplacés par la police et la censure, et par les discussions secrètes du Sénat, du corps législatif et du Conseil d'État. Article dernier, cette chose qu'on appelait l'intelligence humaine est supprimée. Faite au Palais des Tuileries, 14 janvier 1852, Louis-Napoléon. Vu et scellé du Grand Sceau, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, E. Rouher. Cette constitution, qui proclame et affirme hautement la révolution de 1789 dans ses principes et dans ses conséquences, et qui abolit seulement la liberté, a été évidemment et heureusement inspirée à M. Bonaparte par une vieille affiche d'un théâtre de province qu'il est à propos de rappeler. Aujourd'hui, grande représentation de la Dame Blanche, opéra en 3 actes. Nota, la musique qui embarrassait la marche de l'action, sera remplacé par un dialogue vif et piquant. 2. Le Sénat. Le dialogue vif et piquant, c'est le Conseil d'État, le corps législatif et le Sénat. Il y a donc un Sénat? Sans doute. Ce grand corps, ce pouvoir pondérateur, ce modérateur suprême, est même la principale splendeur de la Constitution. Occupons-nous-en. Sénat. C'est un Sénat. De quel Sénat parlez-vous? Est-ce du Sénat qui délibérait sur la sauce à laquelle l'empereur mangerait le turbot? Est-ce du Sénat dont Napoléon disait le 5 avril 1814? Un signe était un ordre pour le Sénat, et il faisait toujours plus qu'on ne désirait de lui. Est-ce du Sénat dont Napoléon disait en 1805 « Les lâches ont eu peur de me déplaire ?» Note de bas de page. Thibaudeau, Histoire du Consulat et de l'Empire. Fin de la note de bas de page. Est-ce du Sénat qui arrachait à peu près le même cri à Tibère? Ah, les infâmes! Plus esclaves qu'on ne veut! Est-ce du Sénat qui faisait dire à Charles XII « Envoyez ma botte à Stockholm !» Pourquoi faire, sire? Demandait le ministre. Pour présider le Sénat. Non, ne plaisantons pas. Ils sont 80 cette année, ils seront 150 l'an prochain. Ils ont à eux seuls et en toute jouissance 14 articles de la Constitution, depuis l'article 19 jusqu'à l'article 33. Ils sont gardiens des libertés publiques, leurs fonctions sont gratuites, article 22, en conséquence ils ont de 15 à 30 000 francs par an. Ils ont cette spécialité de toucher leur traitement, et cette propriété de ne point s'opposer à la promulgation des lois. Ils sont tous des illustrations. Note de bas de page. Toutes les illustrations du pays. Louis Bonaparte, appel au peuple, 2 décembre 1851. Fin de la note de bas de page. Ceci n'est pas un Sénat manqué. Note de bas de page. Le Sénat a été manqué. On n'aime pas en France avoir des gens bien payés pour ne faire que quelques mauvais choix. Parole de Napoléon, mémorial de Sainte-Hélène. Fin de la note de bas de page. Comme celui de l'autre Napoléon. Ceci est un Sénat sérieux. Les maréchaux en sont, les cardinaux en sont, M. Leboeuf en est. Que faites-vous dans ce pays ? Demande-t-on au Sénat. Nous sommes chargés de garder les libertés publiques. Qu'est-ce que tu fais dans cette ville ? Demande Pierrot à Arlequin. Je suis chargé, dit Arlequin, de peigner le cheval de bronze. On sait ce que c'est que l'esprit de corps. Cet esprit poussera le Sénat à augmenter par tous les moyens son pouvoir. Il détruira, s'il le peut, le corps législatif, et, si l'occasion s'en présente, il pactisera avec les Bourbons. Qui dit ceci ? Le premier consul. Où ? Aux Tuileries, en avril 1804. Sans titre, sans pouvoir, et en violation de tous les principes, il a livré la patrie et consommé sa ruine. Il a été le jouet de hauts intrigants. Je ne sache pas de corps qui doivent s'inscrire dans l'histoire avec plus d'ignominie que le Sénat. Qui dit cela ? L'empereur. Où ? À Sainte-Hélène. Il y a donc un Sénat dans la Constitution du 14 janvier. Mais franchement, c'est une faute. On est accoutumé, maintenant que l'hygiène publique a fait des progrès, à voir la voie publique mieux tenue que cela. Depuis le Sénat de l'Empire, nous croyions qu'on ne déposait plus de Sénat le long des constitutions. 3. Le Conseil d'État et le corps législatif. Il y a aussi le Conseil d'État et le corps législatif. Le Conseil d'État, joyeux, payé, joufflu, rose, gras, frais, l'œil vif, l'oreille rouge, le verbe haut, l'épée au côté, du ventre, brodé en or. Le corps législatif, pâle, maigre, triste, brodé en argent. Le Conseil d'État va, vient, entre, sort, revient, règle, dispose, décide, tranche, ordonne, voit face à face Louis-Napoléon. Le corps législatif marche sur la pointe du pied, roule son chapeau dans ses mains, met le doigt sur sa bouche, sourit humblement, s'assied sur le coin de sa chaise et ne parle que quand on l'interroge. Ses paroles étant naturellement obscènes, défense aux journaux d'y faire la moindre allusion. Le corps législatif vote les lois et l'impôt, article 39, et quand, croyant avoir besoin d'un renseignement, d'un détail, d'un chiffre, d'un éclaircissement, il se présente chapeau bas à la porte des ministères pour parler au ministre, l'huissier l'attend dans l'antichambre et lui donne en éclatant de rire une chiquenaude sur le nez. Tels sont les droits du corps législatif. Constatons que cette situation mélancolique commençait en juin 1852 à arracher quelques soupirs aux individus élégiaques qui font partie de la chose. Le rapport de la commission du budget restera dans la mémoire des hommes comme un des plus déchirants chefs-d'œuvre du genre plaintif. Redisons ces suaves accents. Autrefois, vous le savez, les communications nécessaires en pareil cas existaient directement entre les commissions et les ministres. C'est à ceux-ci qu'on s'adressait pour obtenir les documents indispensables à l'examen des affaires. Ils venaient eux-mêmes, avec les chefs de leurs différents services, donner des explications verbales suffisantes souvent pour prévenir toute discussion ultérieure. Et les résolutions que la commission du budget arrêtait après les avoir entendues étaient directement soumises à la Chambre. Aujourd'hui, nous ne pouvons avoir de rapport avec le gouvernement que par l'intermédiaire du Conseil d'État qui, confident et organe de sa pensée, a seul le droit de transmettre au corps législatif les documents qu'à son tour il se fait remettre par les ministres. En un mot, pour les rapports écrits comme pour les communications verbales, les commissaires du gouvernement remplacent les ministres avec lesquels ils ont dû préalablement s'entendre. Quant aux modifications que la Commission peut vouloir proposer, soit par suite d'adoption d'amendements présentés par des députés, soit d'après son propre examen du budget, elles doivent, avant que vous soyez appelés à en délibérer, être renvoyées au Conseil d'État et y être discutées. Là, il est impossible de ne pas le faire remarquer, elles n'ont pas d'interprète, pas de défenseurs officiels. Ce mode de procédé paraît dérivé de la Constitution elle-même. Et si nous en parlons, c'est uniquement pour vous montrer qu'il a dû entraîner des lenteurs dans l'accomplissement de la tâche de la Commission du budget. Note de bas de page. Rapport de la Commission du budget du corps législatif, juin 1852. Fin de la note de bas de page. On n'est pas plus tendre dans le reproche. Il est impossible de recevoir avec plus de chasteté et de grâce ce que M. Bonaparte, dans son style d'autocrate, appelle « des garanties de calme ». Note de bas de page. Préambule de la Constitution. Fin de la note de bas de page. Et ce que Molière, dans sa liberté de grand écrivain, appelle « des coups de pied ». Note de bas de page. Crûment. Voyez les fourberies de Scapin. Fin de la note de bas de page. Il y a donc, dans la boutique où se fabriquent les lois et les budgets, un maître de la maison, le Conseil d'État, et un domestique, le corps législatif. Au terme de la Constitution, qui est-ce qui nomme le maître de la maison? Monsieur Bonaparte. Qui est-ce qui nomme le domestique? La nation. C'est bien. 4. Les finances. Notons qu'à l'ombre de ces institutions sages, et grâce au coup d'État, qui, comme on sait, a établi l'ordre, les finances, la sécurité et la prospérité publique, le budget, de l'aveu de M. Gouin, se solde avec 123 millions de déficit. Quant au mouvement commercial depuis le coup d'État, quant à la prospérité des intérêts, quant à la reprise des affaires, il suffit pour l'apprécier de rejeter les mots et de prendre les chiffres. En fait de chiffres, en voici un qui est officiel et qui est décisif. Les escomptes de la Banque de France n'ont produit pendant le premier semestre de 1852 que 589 502 francs 62 centimes pour la caisse centrale et les bénéfices des succursales ne se sont élevés qu'à 651 108 francs 7 centimes. C'est la banque elle-même qui en convient dans son rapport semestriel. Du reste, M. Bonaparte ne se gêne pas avec l'impôt. Un beau matin, il s'éveille, bâille, se frotte les yeux, prend une plume et décrète quoi? Le budget. Ahmed III voulut un jour lever des impôts à sa fantaisie. « Invincible seigneur, lui dit son vizir, tes sujets ne peuvent être imposés au-delà de ce que la loi et le prophète prescrivent. » Ce même M. Bonaparte, étant à Ham, avait écrit « Si les sommes prélevées chaque année sur la généralité des habitants sont employées à des usages improductifs, comme à créer des places inutiles, à élever des monuments stériles, à entretenir au milieu d'une paix profonde une armée plus dispendieuse que celle qui vainquit à Austerlitz, l'impôt, dans ce cas, devient un fardeau écrasant. Il épuise le pays, il prend sans rendre. » Note de bas de page, extinction du paupérisme, page 10. Fin de la note de bas de page. À propos de ce mot « budget », une observation nous vient à l'esprit. Aujourd'hui, en 1852, les évêques et les conseillers à la Cour de cassation ont 50 francs par jour. Les archevêques, les conseillers d'État, les premiers présidents et les procureurs généraux ont par jour 69 francs. Les sénateurs, les préfets et les généraux de division reçoivent par jour 83 francs. Les présidents de section du Conseil d'État, par jour, 222 francs. Les ministres, par jour, 252 francs. Monseigneur le prince président, en comprenant comme de juste dans sa dotation la somme pour les châteaux royaux, touche par jour 44 444 francs 44 centimes. On a fait la révolution du 2 décembre contre les 25 francs. 5. La liberté de la presse. Nous venons de voir ce que c'est que la législature, ce que c'est que l'administration, ce que c'est que le budget. Et la justice. Ce que l'on appelait autrefois la cour de cassation n'est plus que le greffe d'enregistrement des conseils de guerre. Un soldat sort du corps de garde et écrit en marge du livre de la loi « Je veux » ou « Je ne veux pas ». Partout, le caporal ordonne et le magistrat contresigne. « Allons, retroussez vos toges, marchez, ou sinon... » De là ces jugements, ces arrêts, ces condamnations abominables. Quel spectacle que ce troupeau de juges, la tête basse et le dos tendu, menait la crosse aux reins, aux iniquités et aux turpitudes. Et la liberté de la presse. Qu'en dire? N'est-il pas dérisoire seulement de prononcer ce mot? Cette presse libre, honneur de l'esprit français, clarté faite de tous les points à la fois sur toutes les questions, éveil perpétuel de la nation. Où est-elle? Qu'est-ce que M. Bonaparte en a fait? Elle est où est la tribune? À Paris, 20 journaux anéantis. Dans les départements, 80. 100 journaux supprimés, c'est-à-dire à ne voir que le côté matériel de la question, le pain ôté à d'innombrables familles, c'est-à-dire, sachez-le, bourgeois, 100 maisons confisquées, 100 métairies prises à leurs propriétaires, 100 coupons de rente arrachés du grand livre. Identité profonde des principes, la liberté supprimée, c'est la propriété détruite. Que les idiots égoïstes applaudisseurs du coup d'État méditent ceci. Pour loi de la presse, un décret posé sur elle, un fetva, un firman daté de l'étrier impérial, le régime de l'avertissement. On le connaît ce régime, on le voit tous les jours à l'œuvre. Il fallait ces gens-là pour inventer cette chose-là. Jamais le despotisme ne s'est montré plus lourdement insolent et bête que dans cette espèce de censure du lendemain qui précède et annonce la suppression et qui donne la bastonnade à un journal avant de le tuer. Dans ce gouvernement, le niais corrige l'atroce et le tempère. Tout le décret de la presse peut se résumer en une ligne. Je permets que tu parles, mais j'exige que tu te taises. Qui donc règne? Est-ce Tibère? Est-ce Shahabaham? Les trois quarts des journalistes républicains déportés ou proscrits, le reste traqué par les commissions mixtes, dispersés, errants, cachés. Ça et là dans 4 ou 5 journaux survivants, dans 4 ou 5 journaux indépendants, mais guettés, sur la tête desquels pend le gourdin de Maupas, 15 ou 20 écrivains courageux, sérieux, purs, honnêtes, généreux, qui écrivent la chaîne au cou et le boulet au pied. Le talent entre deux factionnaires, l'indépendance bâillonnée, l'honnêteté gardée à vue. Et Veuillot criant « Je suis libre ». 6. Nouveautés en fait de l'égalité. La presse a le droit d'être censurée, le droit d'être avertie, le droit d'être suspendue, le droit d'être supprimée, elle a même le droit d'être jugée. Jugé? Par qui? Par les tribunaux. Quels tribunaux? Les tribunaux correctionnels. Et cet excellent jury trié? Progrès, il est dépassé. Le jury est loin derrière nous. Nous revenons aux juges du gouvernement. La répression est plus rapide et plus efficace, comme dit Maître Rouher. Et puis c'est mieux. Appelez les causes. Police correctionnelle, 6e chambre, première affaire, le nommé Roumage, escroc. 2e affaire, le nommé Lamennais, écrivain. Cela fait bon effet, et accoutume le bourgeois à dire indistinctement un écrivain et un escroc. Certes, c'est là un avantage, mais au point de vue pratique, au point de vue de la pression, le gouvernement est-il bien sûr de ce qu'il a fait là? Est-il bien sûr que la sixième chambre vaudra mieux que cette bonne cour d'assises de Paris, par exemple, laquelle avait pour la présider des Partarieux la fosse si abjecte, et pour la haranguer des suins si bas et des mongis si plats? Peut-il raisonnablement espérer que les juges correctionnels seront encore plus lâches et plus méprisables que cela? Ces juges-là, tout payés qu'ils sont, travailleront-ils mieux que ce jury escouade qui avait le ministère public pour caporal et qui prononçait des condamnations et gesticulait des verdicts avec la précision de la charge en 12 temps, si bien que le préfet de police Carlier disait avec bonhomie à un avocat célèbre, M. Dem, « Le jury, quelle bête d'institution! Quand on ne le fait pas, jamais il ne condamne, quand on le fait, il condamne toujours. » Pleurons cet honnête jury que Carlier faisait et que Rouher a défait. Ce gouvernement se sent hideux, il ne veut pas de portrait, surtout pas de miroir, comme l'Orfraie, il se réfugie dans la nuit. Si on le voyait, il en mourrait. Or, il veut durer. Il n'entend pas qu'on parle de lui. Il n'entend pas qu'on le raconte. Il a imposé le silence à la presse en France. On vient de voir comment. Mais faire taire la presse en France, ce n'est qu'un demi-succès. On veut la faire taire à l'étranger. On a essayé 2 procès en Belgique. Procès du Bulletin français, procès de La Nation. Le loyal jury belge a acquitté. C'est gênant. Que fait-on? On prend les journaux belges par la bourse. Vous avez des abonnés en France. Si vous nous discutez, vous n'entrerez pas. Voulez-vous entrer? Plaisez. On tâche de prendre les journaux anglais par la peur. Si vous nous discutez... Décidément, non. On ne veut pas être discuté. Nous chasserons de France vos correspondants. La presse anglaise a éclaté de rire. Mais ce n'est pas tout. Il y a des écrivains français hors de France. Ils sont proscrits, c'est-à-dire libres. S'ils allaient parler, ceux-là, s'ils allaient écrire, ces démagogues, ils en sont bien capables. Il faut les en empêcher. Comment faire? Bâillonner les gens à distance, ce n'est pas aisé. Monsieur Bonaparte n'a pas le bras si long que ça. Essayons pourtant. On leur fera des procès là où ils seront. Soit les jurys des pays libres comprendront que ces proscrits représentent la justice et que le gouvernement bonapartiste, c'est l'iniquité. Ces jurys feront ce qu'a fait le jury belge. Ils acquitteront. On priera les gouvernements amis d'expulser ces expulsés, de bannir ces bannis. Soit les proscrits iront ailleurs. Ils trouveront toujours un coin de terre libre où ils pourront parler. Comment faire pour les atteindre? Rouher s'est cotisé avec Baroche et à eux deux, ils ont trouvé ceci. Bâcler une loi sur les crimes commis par les Français à l'étranger et y glisser les délits de presse. Le Conseil d'État a dit oui et le corps législatif n'a pas dit non. Aujourd'hui, c'est fait. Si nous parlons hors de France, on nous jugera en France. Prison. Pour l'avenir encore. Amendes et confiscations. Soit encore. Ce livre-ci sera donc jugé en France et l'auteur dûment condamné, je m'y attends, et je me borne à prévenir les individus quelconques, se disant magistrats, qui, en robe noire ou en robe rouge, brasseront la chose, que le cas échéant, la condamnation à un maximum quelconque bel et bien prononcée, rien n'égalera mon dédain pour le jugement, si ce n'est mon mépris pour les juges, ceci est mon plaidoyer. 7. Les adhérents. Qui se groupe autour de l'établissement? Nous l'avons dit. Le cœur se soulève d'y songer. Ah, ces gouvernants d'aujourd'hui! Nous, les proscrits d'à présent, nous nous les rappelons lorsqu'ils étaient représentants du peuple, il y a 1 an seulement, et qu'ils allaient et venaient dans les couloirs de l'Assemblée, la tête haute, avec des façons d'indépendance et des allures et des airs de s'appartenir. Quel superbe! Et comme on était fiers! Comme on mettait la main sur son cœur en criant « Vive la République !» Et si, à la tribune, quelque terroriste, quelques montagnards, quelques rouges, faisaient allusion au coup d'État comploté et à l'Empire projeté, comme on lui vociférait « Vous êtes un calomniateur !» Comme on haussait les épaules aux mots de Sénat. L'Empire, aujourd'hui, s'écriait l'un, ce serait la boue et le sang, vous nous calomniez, nous n'y tremperons jamais. L'autre affirmait qu'il n'était ministre du président que pour se dévouer à la défense de la Constitution et des lois. L'autre glorifiait la tribune comme le palladium du pays. L'autre rappelait le serment de Louis Bonaparte et disait « Doutez-vous que ce soit un honnête homme ? » Ceux-ci, ils sont deux, ont été jusqu'à voter et signer sa déchéance le 2 décembre dans la mairie du 10e arrondissement. Cet autre a envoyé le 4 décembre un billet à celui qui écrit ces lignes pour le féliciter d'avoir dicté la proclamation de la gauche qui met Louis Bonaparte hors la loi. Et les voilà sénateurs, conseillers d'État, ministres, passementés, galonnés, dorés, infâmes. Avant de broder vos manches, lavez vos mains. Monsieur QB va trouver Monsieur OB et lui dit « Comprenez-vous l'aplomb de ce Bonaparte ? N'a-t-il pas osé m'offrir une place de maître des requêtes ? Vous avez refusé ? Certes. Le lendemain, offre d'une place de conseiller d'État, 25 000 francs, le maître des requêtes indigné devient un conseiller d'État attendri. Monsieur QB accepte. Une classe d'hommes s'est ralliée en masse. Les imbéciles. Ils composent la partie saine du corps législatif. C'est à eux que le chef de l'État adresse ce boniment. La première épreuve de la Constitution, d'origine toute française, a dû vous convaincre que nous possédions les conditions d'un gouvernement fort et libre. Le contrôle est sérieux, la discussion est libre et le vote de l'impôt décisif. Il y a en France un gouvernement animé de la foi et de l'amour du bien qui repose sur le peuple, source de tout pouvoir, sur l'armée, source de toute force, sur la religion, source de toute justice. Recevez l'assurance de mes sentiments. Ces braves dupes. Nous les connaissons aussi. Nous en avons vu bon nombre sur les bancs de la majorité à l'Assemblée législative. Leurs chefs, opérateurs habiles, avaient réussi à les terrifier, moyen sûr de les conduire où l'on voulait. Ces chefs ne pouvant plus employer utilement les anciens épouvantails, les mots « jacobin » et « sans culotte », décidément trop usés, avaient remis à neuf le mot « démagogue ». Ces meneurs, rompus aux pratiques et aux manœuvres, exploitaient le mot « la montagne » avec succès. Ils agitaient à propos cet effrayant et magnifique souvenir. Avec ces quelques lettres de l'alphabet groupées en syllabes et accentuées convenablement, démagogie, montagnard, partageux, communiste, rouge, ils faisaient passer des lueurs devant les yeux des niais. Ils avaient trouvé moyen de pervertir les cerveaux de leurs collègues, ingénus au point d'y incruster, pour ainsi dire, des espèces de dictionnaires où chacune des expressions dont se servaient les orateurs et les écrivains de la démocratie se trouvait immédiatement traduite. Humanité, lisez « férocité ». Bien-être universel, lisez « bouleversement ». République, lisez « terrorisme ». Socialisme, lisez « pillage ». Fraternité, lisez « massacre ». Évangile, lisez « mort aux riches ». De telle sorte que lorsqu'un orateur de la gauche disait, par exemple, « Nous voulons la suppression de la guerre et l'abolition de la peine de mort », une foule de pauvres gens à droite entendait distinctement « Nous voulons tout mettre à feu et à sang » et, furieux, montrait le poing à l'orateur. Après tel discours où il n'avait été question que de liberté, de paix universelle, de bien-être par le travail, de concorde et de progrès, on voyait les représentants de cette catégorie que nous avons désignée en tête de ce paragraphe se lever tout pâle, ils n'étaient pas bien sûrs de n'être pas déjà guillotinés et s'en aller chercher leur chapeau pour voir s'ils avaient encore leur tête. Ces pauvres êtres effarés n'ont pas marchandé leur adhésion au 2 décembre. C'est pour eux qu'a été spécialement inventée la locution « Louis-Napoléon a sauvé la société ». Et ces éternels préfets, ces éternels maires, ces éternels capitouls, ces éternels échevins, ces éternels complimenteurs du soleil levant ou du lampion allumé qui arrivent le lendemain du succès au vainqueur, au triomphateur, au maître, à Sa Majesté Napoléon le Grand, à Sa Majesté Louis XVIII, à Sa Majesté Alexandre Ier, à Sa Majesté Charles X, à Sa Majesté Louis-Philippe, au citoyen Lamartine, au citoyen Cavaignac, à Monseigneur le Prince-Président, agenouillé, souriant, épanoui, apportant dans des plats les clés de leur ville et sur leur face les clés de leur conscience. Mais les imbéciles, ces vieux, les imbéciles ont toujours fait partie de toutes les institutions et sont presque une institution eux-mêmes. Et quant aux préfets et capitouls, quant à ces adorateurs de tous les lendemains, insolents de bonheur et de platitude, cela s'est vu dans tous les temps. Rendons justice au régime de décembre, il n'a pas seulement ces partisans-là, il a des adhérents et des créatures qui ne sont qu'à lui. Il a produit des notabilités tout à fait neuves. Les nations ne connaissent jamais toutes leurs richesses en fait de coquins. Il faut cette espèce de bouleversement, ce genre de déménagement pour les leur faire voir. Alors, les peuples s'émerveillent de ce qui sort de la poussière. C'est splendide à contempler, tel qui était chaussé, vêtu et famé à faire crier après soi tous les chienlits d'Europe, surgit ambassadeur. Celui-ci, qui entrevoyait Bicêtre et la Roquette, se réveille général et grand aigle de la Légion d'honneur. Tout aventurier endosse un habit officiel, s'accommode un bon oreiller bourré de billets de banque, prend une feuille de papier blanc et écrit dessus « Fin de mes aventures ». Vous savez bien, un tel. Oui. Il est aux galères? Non, il est ministre. 8. Mens agitat molem. Au centre est l'homme. L'homme que nous avons dit, l'homme punique, l'homme fatal, attaquant la civilisation pour arriver au pouvoir, cherchant ailleurs que dans le vrai peuple, on ne sait quelle popularité féroce, exploitant les côtés encore sauvages du paysan et du soldat, tâchant de réussir par les égoïsmes grossiers, par les passions brutales, par les envies éveillées, par les appétits excités. Quelque chose comme Marat Prince, au but près qui, chez Marat, était grand, et chez Louis Bonaparte, est petit. L'homme qui tue, qui déporte, qui exile, qui expulse, qui proscrit, qui spolie. Cet homme au geste accablé, à l'œil vitreux, qui marche d'un air distrait au milieu des choses horribles qu'il fait comme une sorte de somnambule sinistre. On a dit de Louis Bonaparte, soit en mauvaise part, soit en bonne part, car ces êtres étranges ont d'étranges flatteurs, c'est un dictateur, c'est un despote, rien de plus. C'est cela à notre avis, et c'est aussi autre chose. Le dictateur était un magistrat. Tite Live et Cicéron l'appellent Protor Maximus. Sénèque l'appelle Magister Populi. Ce qu'il décrétait était tenu pour arrêt d'en haut. Tite Live dit Pro Numine Observatum. Dans ces temps de civilisation incomplète, la rigidité des lois antiques n'ayant pas tout prévu, sa fonction était de pourvoir au salut du peuple. Il était le produit de ce texte, Salus Populi Suprema Lex Esto. Il faisait porter devant lui les 24 haches, signe du droit de vie et de mort. Il était en dehors de la loi, au-dessus de la loi, mais il ne pouvait toucher à la loi. La dictature était un voile derrière lequel la loi restait entière. La loi était avant le dictateur et était après le dictateur. Elle le ressaisissait à sa sortie. Il était nommé pour un temps très court, 6 mois, semestris dictatura, dit Tite Live. Habituellement, comme si cet énorme pouvoir, même librement consenti par le peuple, finissait par peser comme un remords, le dictateur se démettait avant la fin du terme. Cincinnatus s'en alla au bout de 8 jours. Il était interdit au dictateur de disposer des deniers publics sans autorisation du Sénat et de sortir de l'Italie. Il ne pouvait monter à cheval sans la permission du peuple. Il pouvait être plébéien. Marcius Rutilus et Publius Philo furent dictateurs. On créait un dictateur pour des objets fort divers, pour établir des fêtes à l'occasion des jours saints, pour enfoncer un clou sacré dans le mur du temple de Jupiter, une fois pour nommer le Sénat. Rome-République porta 88 dictateurs. Cette institution intermittente dura 153 ans, de l'an 552 de Rome à l'an 711. Elle commença par Servilius Geminus et arriva à César en passant par Sylla. À César, elle expira. La dictature était faite pour être répudiée par Cincinnatus et épousée par César. César fut 5 fois dictateur en 5 ans, de 706 à 711. Cette magistrature a été dangereuse, elle finit par dévorer la liberté. Monsieur Bonaparte est-il un dictateur? Nous ne voyons pas d'inconvénient à répondre oui. Protor Maximus, général en chef, le drapeau le salue. Magister populi, maître du peuple, demandez aux canons braqués sur les places publiques. Pro numine observatum, tenu pour Dieu, demandez à monsieur Troplong. Il a nommé le Sénat, il a institué des jours fériés, il a pourvu au salut de la société, il a enfoncé un clou sacré dans le mur du Panthéon, et il a accroché à ce clou son coup d'État. Seulement, il fait et défait la loi à sa fantaisie. Il monte à cheval sans permission, et quant aux 6 mois, il prend un peu plus de temps. César avait pris 5 ans, il prend le double. C'est juste. Jules César 5, Monsieur Louis Bonaparte 10, la proportion est gardée. Du dictateur, passons au despote. C'est l'autre qualification presque acceptée par Monsieur Bonaparte. Parlons un peu la langue du bas-empire, elle s'y est au sujet. Le despotès venait après le basileus. Il était, entre autres attributs, général de l'infanterie et de la cavalerie, magister utriusque exercitus. Ce fut l'empereur Alexis, surnommé l'ange, qui créa la dignité de despotès. Le despotès était moins que l'empereur et au-dessus du sébastocrator, ou auguste, et du César. On voit que c'est aussi un peu cela. Monsieur Bonaparte est despotès en admettant, ce qui est facile, que Magnan soit César et que Maupas soit Auguste. Despote, dictateur, c'est admis. Tout ce grand éclat, tout ce triomphe en pouvoir n'empêche pas qu'il ne se passe dans Paris de petits incidents comme celui-ci que Donnette Badaud, témoin du fait, vous raconte tout rêveur. Deux hommes cheminent dans la rue, ils causent de leurs affaires, de leurs négoces. L'un d'eux parle de je ne sais quel fripon dont il croit avoir à se plaindre. « C'est un malheureux, dit-il, c'est un escroc, c'est un gueux. » Un agent de police entend ces derniers mots. « Monsieur, dit-il, vous parlez du président ? Je vous arrête. » Maintenant, Monsieur Bonaparte sera-t-il ou ne sera-t-il pas empereur ? Belle question. Il est maître, il est cadi, mufti, bey, dey, Soudan, grand khan, grand lama, grand mogol, grand dragon, cousin du soleil, commandeur des croyants, shah, tsar, sophie et calife. Paris n'est plus Paris, c'est Bagdad, avec un Giafar qui s'appelle Persigny et une Scheherazade qui risque d'avoir le cou coupé tous les matins et qui s'appelle le constitutionnel. Monsieur Bonaparte peut tout ce qu'il lui plaît sur les biens, sur les familles, sur les personnes. Si les citoyens français veulent savoir la profondeur du gouvernement dans lequel ils sont tombés, ils n'ont qu'à s'adresser à eux-mêmes quelques questions. Voyons, juge, il t'arrache ta robe et t'envoie en prison. Après, voyons, Sénat, Conseil d'État, corps législatif, il saisit une pelle et fait de vous un tas dans un coin. Après, toi, propriétaire, il te confisque ta maison d'été et ta maison d'hiver avec cour, écurie, jardins et dépendances. Après, toi, père, il te prend ta fille. Toi, frère, il te prend ta sœur. Toi, bourgeois, il te prend ta femme, d'autorité, de vive force. Après, toi, passant, ton visage lui déplaît, il te casse la tête d'un coup de pistolet et rentre chez lui. Après, toutes ces choses faites, qu'en résulterait-il ? Rien. Monseigneur le prince président a fait hier sa promenade habituelle aux Champs-Élysées, dans une calèche à la Daumont, attelée de 4 chevaux, accompagnée d'un seul aide-de-camp. Voilà ce que diront les journaux. Il a effacé des murs « liberté, égalité, fraternité », il a eu raison. Ah, Français ! Vous n'êtes plus ni libre, le gilet de force est là, ni égaux, l'homme de guerre est tout. Ni frère, la guerre civile couve sous cette lugubre paix d'état de siège. Empereur, pourquoi pas? Il a un Mori qui s'appelle Cibourg, il a un Fontane, un Faciuntasinos, si vous l'aimez mieux, qui s'appelle Fortoul. Il a un Laplace qui répond au nom de Le Verrier, mais qui n'a pas fait la mécanique céleste. Il trouvera aisément des Esménards et des Luces de Lancival. Son Picette est à Rome dans la soutane de Pie IX. Son uniforme vert, on l'a vu à Strasbourg. Son aigle, on l'a vu à Boulogne. Sa redingote grise, ne la portait-il pas à Ham? Casaque ou redingote, c'est tout un. Madame de Stael sort de chez lui, elle a écrit Lélia. Il lui sourit en attendant qu'il l'exile. Tenez-vous à une archiduchesse? Attendez un peu, il en aura une. Tout Félix Austria Noubé. Son Murat se nomme Saint-Arnaud, son Talleyrand se nomme Morny, son duc d'Enghien s'appelle Le Droit. Regardez. Que lui manque-t-il? Rien. Peu de choses. À peine Austerlitz et Marengo. Prenez-en votre parti, il est empereur in petto. Un de ces matins, il le sera au soleil. Il ne faut plus qu'une toute petite formalité, la chose de faire sacrer et couronner à Notre-Dame son faux serment. Après quoi, ce sera beau. Attendez-vous à un spectacle impérial, attendez-vous aux caprices, attendez-vous aux surprises, aux stupeurs, aux ébahissements, aux alliances de mots les plus inouïs, aux cacophonies les plus intrépides. Attendez-vous au prince Troplong, au duc Maupas, au duc Mimerel, au marquis Leboeuf, au baron Baroche. En ligne, courtisans, chapeau bas, sénateur, l'écurie s'ouvre, monseigneur le cheval est consul, qu'on fasse dorer l'avoine de son Altesse Incitatus. Tout s'avalera, l'hiatus du public sera prodigieux, toutes les énormités passeront et feront place aux gobes baleines. Pour nous qui parlons, dès à présent, l'Empire existe, et sans attendre le proverbe du Senatus Consulte et la comédie du plébiscite, nous envoyons ce billet de faire part à l'Europe. La trahison du 2 décembre est accouchée de l'Empire, la mère et l'enfant se portent mal. 9. La toute-puissance. Cet homme, oublions son 2 décembre, oublions son origine, voyons, qu'est-il comme capacité politique? Voulez-vous le juger depuis 8 mois qu'il règne? Regardez d'une part son pouvoir, d'autre part ses actes. Que peut-il? Tout. Qu'a-t-il fait? Rien. Avec cette pleine puissance, en 8 mois, un homme de génie eût changé la face de la France, de l'Europe peut-être. Il n'eût certes pas effacé le crime du point de départ, mais il l'eût couvert. À force d'amélioration matérielle, il eût réussi peut-être à masquer à la nation son abaissement moral. Même, il faut le dire, pour un dictateur de génie, la chose n'était pas malaisée. Un certain nombre de problèmes sociaux, élaborés dans ces dernières années par plusieurs esprits robustes, semblaient mûrs et pouvaient recevoir, au grand profit et au grand contentement du peuple, des solutions actuelles et relatives. Louis Bonaparte n'a pas même paru s'en douter. Il n'en a abordé, il n'en a entrevu aucun. Il n'a pas même retrouvé à l'Élysée quelques vieux restes des méditations socialistes de Ham. Il a ajouté plusieurs crimes nouveaux à son premier crime, et en cela, il a été logique. Ces crimes exceptés, il n'a rien produit. Omnipotence complète, initiative nulle. Il a pris la France et n'en sait rien faire. En vérité, on est tenté de plaindre cet eunuque se débattant avec la toute-puissance. Certes, ce dictateur s'agite, rendons-lui cette justice, il ne reste pas un moment tranquille, il sent autour de lui avec effroi la solitude et les ténèbres. Ceux qui ont peur la nuit chantent, lui, il se remue. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets, ne pouvant créer, il décrète, il cherche à donner le change sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel, mais hélas, cette roue tourne à vide. Conversion des rentes, où est le profit jusqu'à ce jour? Économie de 18 millions. Soit, les rentiers les perdent, mais le président et le Sénat, avec leurs 2 dotations, les empochent. Bénéfice pour la France, 0. Crédit foncier, les capitaux n'arrivent pas. Chemin de fer, on les décrète, puis on les retire. Il en est de toutes ces choses comme des cités ouvrières. Louis Bonaparte souscrit, mais ne paie pas. Quant à ce budget contrôlé par les aveugles qui sont au Conseil d'État et voté par les muets qui sont au corps législatif, l'abîme se fait dessous. Il n'y avait de possible et d'efficace qu'une grosse économie sur l'armée. 200 000 soldats laissés dans leur foyer, 200 millions épargnés. Allez donc essayer de toucher à l'armée. Le soldat qui reviendrait libre applaudirait, mais que dirait l'officier? Et au fond, ce n'est pas le soldat, c'est l'officier qu'on caresse. Et puis, il faut garder Paris et Lyon, et toutes les villes, et plus tard, quand on sera empereur, il faudra bien faire un peu la guerre à l'Europe. Voyez le gouffre. Si des questions financières on passe aux institutions politiques, oh là, les néo-bonapartistes s'épanouissent. Là sont les créations. Quelle création, bon Dieu ! Une constitution style Ravrio, nous venons de la contempler, ornée de palmettes et de coups de cygne, apportée à l'Élysée avec de vieux fauteuils dans les voitures du garde-meuble. Le Sénat conservateur recousu et redoré, le Conseil d'État de 1806 retapé et rebordé de quelques galons neufs, le vieux corps législatif rajusté, recloué et repeint, avec l'aîné de moins et morni de plus. Pour liberté de la presse, le bureau de l'esprit public. Pour liberté individuelle, le ministère de la police. Toutes ces institutions, nous les avons passées en revue, ne sont autre chose que l'ancien meuble de salon de l'Empire. Battez, époustez, ôtez les toiles d'araignée, éclaboussez le tout de taches de sang français, et vous avez l'établissement de 1852. Ce bric-à-brac gouverne la France. Voilà les créations. Où est le bon sens? Où est la raison? Où est la vérité? Pas un côté sain de l'esprit contemporain qui ne soit heurté. Pas une conquête juste de ce siècle qui ne soit jetée à terre et brisée. Toutes les extravagances devenues possibles. Ce que nous voyons depuis le 2 décembre, c'est le galop à travers l'absurde d'un homme médiocre échappé. Ces hommes, le malfaiteur et ses complices, ont un pouvoir immense, incomparable, absolu, illimité, suffisant, nous le répétons, pour changer la face de l'Europe. Ils s'en servent pour jouir. S'amuser et s'enrichir, tel est leur socialisme. Ils ont arrêté le budget sur la grande route, les coffres sont là, ouverts, ils emplissent leurs sacoches. Ils ont de l'argent, en veux-tu, en voilà. Tous les traitements sont doublés ou triplés. Nous en avons dit plus haut les chiffres. Trois ministres, Turgot, il y a un Turgot dans cette affaire, Persigny et Maupas ont chacun 1 million de fonds secrets. Le Sénat a 1 million, le Conseil d'État un 500 000, les officiers du 2 décembre ont un mois Napoléon, c'est-à-dire des millions, les soldats du 2 décembre ont des médailles, c'est-à-dire des millions, M. Murat veut des millions et en aura. Un ministre se marie, vite, un 500 000. M. Bonaparte, quia nominor poleo, a 12 millions, plus 4 millions, 16 millions, millions, millions. Ce régime s'appelle millions. M. Bonaparte a 300 chevaux de luxe, les fruits et les légumes des châteaux nationaux et des parcs et jardins jadis royaux. Il regorge, il disait l'autre jour, « Toutes mes voitures », comme Charles Quint disait, « Toutes mes Espagnes », et comme Pierre le Grand disait, toutes mes Russies. Les noces de Gamache sont à l'Élysée. Les broches tournent nuit et jour devant des feux de joie. On y consomme. Ces bulletins-là se publient, ce sont les bulletins du Nouvel Empire. 650 livres de viande par jour. L'Élysée aura bientôt 149 cuisines comme le château de Schönbrunn. On boit, on mange, on rit, on banquette. Banquet chez tous les ministres, banquet à l'école militaire, banquet à l'hôtel de ville, banquet aux Tuileries, fête monstre le 10 mai, fête encore plus monstre le 15 août, on nage dans toutes les abondances et dans toutes les ivresses, et l'homme du peuple, le pauvre journalier auquel le travail manque, le prolétaire en haillons, pieds nus, auquel l'été n'apporte pas de pain et auquel l'hiver n'apporte pas de bois, dont la vieille mère agonise sur une paillasse pourrie, dont la jeune fille se prostitue au coin des rues pour vivre, dont les petits-enfants grelottent de faim, de fièvre et de froid dans les bouges du faubourg Saint-Marceau, dans les greniers de Rouen, dans les caves de Lille, y songe-t-on? Que devient-il? Que fait-on pour lui? Crève, chien. 10. Les deux profils de M. Bonaparte. Le curieux, c'est qu'ils veulent qu'on les respecte. Un général est vénérable, un ministre est sacré. La comtesse d'Andeul, jeune femme de Bruxelles, était à Paris en mars 1852. Elle se trouvait un jour dans un salon du faubourg Saint-Honoré. Monsieur de P entre, Madame d'Andeul veut sortir et passe devant lui. Et il se trouve qu'en songeant à autre chose probablement, elle hausse les épaules. Monsieur de P s'en aperçoit. Le lendemain, Madame d'Andeul est avertie que désormais, sous peine d'être expulsée de France comme un représentant du peuple, elle est à s'abstenir de toute marque d'approbation ou d'improbation quand elle voit des ministres. Sous ce gouvernement caporal et sous cette constitution qu'on signe, tout marche militairement. Le peuple français va à l'ordre pour savoir comment il doit se lever, se coucher, s'habiller, en quelle toilette il peut aller à l'audience du tribunal ou à la soirée de monsieur le préfet. Défense de faire des vers médiocres, défense de porter barbe, le jabot et la cravate blanche sont loi de l'État. Règles, discipline, obéissance passive, les yeux baissés, silence dans les rangs, tel est le joug sous lequel se courbe en ce moment la nation de l'initiative et de la liberté, la grande France révolutionnaire. Le réformateur ne s'arrêtera que lorsque la France sera assez caserne pour que les généraux disent « à la bonne heure » et assez séminaire pour que les évêques disent « c'est assez ». Aimez-vous le soldat? On en a mis partout. Le conseil municipal de Toulouse donne sa démission. Le préfet Chapuis-Mont-la-Ville remplace le maire par un colonel, le premier adjoint par un colonel et le deuxième adjoint par un colonel. Note de bas de page. Ces trois colonels sont messieurs Caillassou, Dubarry et Polycarpe. Fin de la note de bas de page. Les gens de guerre prennent le haut du pavé. Les soldats, dit Mably, croyant être à la place des citoyens qui avaient fait autrefois les consuls, les dictateurs, les censeurs et les tribuns, associèrent au gouvernement des empereurs une espèce de démocratie militaire. Avez-vous un shako sur le crâne? Faites ce qu'il vous plaira. Un jeune homme rentrant du bal passe rue Richelieu devant la porte de la bibliothèque. Le factionnaire le couche en joue et le tue. Le lendemain, les journaux disent « Le jeune homme est mort ». Et c'est tout. Timour Beg accorda à ses compagnons d'armes et à leurs descendants jusqu'à la 7e génération le droit d'impunité pour quelque crime que ce fût, à moins que le délinquant n'eût commis le crime 9 fois. Le factionnaire de la rue Richelieu a encore 8 citoyens à tuer avant d'être traduit devant un conseil de guerre. Il fait bon d'être soldat, mais il ne fait pas bon d'être citoyen. En même temps, cette malheureuse armée, on la déshonore. Le 3 décembre, on décore les commissaires qui ont arrêté ses représentants et ses généraux. Il est vrai qu'elle-même a reçu 2 louis par homme. Oh, honte de tous les côtés, l'argent aux soldats et la croix aux mouchards. Jésuitisme et caporalisme, c'est là ce régime tout entier. Tout l'expédient politique de M. Bonaparte se compose de 2 hypocrisies. Hypocrisie soldatesque tournée vers l'armée, hypocrisie catholique tournée vers le clergé. Quand ce n'est pas fracasse, c'est Basile. Quelquefois, c'est les 2 ensemble. De cette façon, il parvient à ravir d'aise en même temps Montalembert, qui ne croit pas à la France, et Saint-Arnaud, qui ne croit pas en Dieu. Le dictateur sent-il l'encens? Sent-il le tabac? Cherchez. Il sent le tabac et l'encens. Ô France! Quel gouvernement! Les éperons passent sous la soutane, le coup d'État va à la messe, rosse les Pékins, lit son bréviaire, embrasse Catin, dit son chapelet, vide les pots et fait ses Pâques. Le coup d'État affirme, ce qui est douteux, que nous sommes revenus à l'époque des jacqueries, ce qui est certain, c'est qu'il ramène au temps des croisades. César se croise pour le pape. Die excelvolt. l'Élysée à la foi du Templier et la soif aussi. Jouir et bien vivre, répétons-le, et manger le budget. Ne rien croire, tout exploiter, compromettre à la fois deux choses saintes, l'honneur militaire et la foi religieuse. Tacher l'autel avec le sang et le drapeau avec le goupillon. Rendre le soldat ridicule et le prêtre un peu féroce. Mêler à cette grande escroquerie politique qu'il appelle son pouvoir, l'Église et la nation, les consciences catholiques et les consciences patriotes, voilà le procédé de Bonaparte le Petit. Tous ces actes, depuis les plus énormes jusqu'aux plus puérils, depuis ce qui est hideux jusqu'à ce qui est risible, sont empreints de ce double jeu. Par exemple, les solennités nationales l'ennui, 24 février, 4 mai, il y a là des souvenirs gênants ou dangereux qui reviennent opiniâtrement à jour fixe. Un anniversaire est un importun. Supprimons les anniversaires. Soit, ne gardons qu'une fête, la nôtre. À merveille, mais avec une fête, une seule, comment satisfaire deux partis, le parti soldat et le parti prêtre? Le parti soldat est voltairien, ou quand Robert sourira, Riancet fera la grimace. Comment faire? Vous allez voir, les grands escamoteurs ne sont pas embarrassés pour si peu. Le Moniteur déclare un beau matin qu'il n'y aura plus désormais qu'une fête nationale le 15 août. Sur ce, commentaire semi-officiel, les deux masques du dictateur se mettent à parler. Le 15 août, dit la bouche ratapoil, jour de la Saint-Napoléon. Le 15 août, dit la bouche tartuffe, fête de la Sainte Vierge. D'un côté, le 2 décembre enfle ses joues, grossit sa voix, tire son grand sabre et s'écrie « Sacre bleu, grognard, fêtons Napoléon le Grand !» De l'autre, il baisse les yeux, fait le signe de la croix et marmotte « Mes très chers frères, adorons le Sacré-Cœur de Marie. » Le gouvernement actuel, main baignée de sang qui trempe le doigt dans l'eau bénite. 11. Récapitulation. Mais on nous dit « N'allez-vous pas un peu loin ? N'êtes-vous pas injuste ? Concédez-lui quelque chose. N'a-t-il pas, dans une certaine mesure, fait du socialisme ?» Et l'on remet sur le tapis le crédit foncier, les chemins de fer, l'abaissement de la rente, etc. Nous avons déjà apprécié ces mesures à leur juste valeur, mais en admettant que ce soit là du socialisme, vous seriez simple d'en attribuer le mérite à M. Bonaparte. Ce n'est pas lui qui fait du socialisme, c'est le temps. Un homme nage contre un courant rapide. Il lutte avec des efforts inouïs. Il frappe le flot du poing, du front, de l'épaule et du genou. Vous dites, il remontera. Un moment après, vous le regardez, il a descendu. Il est beaucoup plus bas dans le fleuve qu'il n'était au point de départ. Sans le savoir et sans s'en douter, à chaque effort qu'il fait, il perd du terrain. Il s'imagine qu'il remonte et il descend toujours. Il croit avancer et il recule. Crédit foncier, comme vous dites. Abaissement de la rente, comme vous dites. Monsieur Bonaparte a déjà fait plusieurs de ces décrets que vous voulez bien qualifier de socialistes. Et il en fera encore. Monsieur Changarnier eût triomphé au lieu de Monsieur Bonaparte, qu'il en eût fait. Henri V reviendrait demain, qu'il en ferait. L'empereur d'Autriche en fait en Galicie et l'empereur Nicolas en Lituanie. En somme, et après tout, qu'est-ce que cela prouve? Que ce courant, qui s'appelle révolution, est plus fort que ce nageur qui s'appelle despotisme. Mais ce socialisme même de Monsieur Bonaparte, qu'est-il? Cela, du socialisme? Je le nie. Haine de la bourgeoisie, soit. Socialisme, non. Voyez, le ministère socialiste par excellence, le ministère de l'Agriculture et du Commerce, il l'abolit. Que vous donne-t-il en compensation? Le ministère de la Police. L'autre ministère socialiste, c'est le ministère de l'Instruction publique. Il est en danger. Un de ces matins, on le supprimera. Le point de départ du socialisme, c'est l'éducation, c'est l'enseignement gratuit et obligatoire, c'est la lumière. Prendre les enfants et en faire des hommes, prendre les hommes et en faire des citoyens intelligents, honnêtes, utile, heureux. Le progrès intellectuel d'abord, le progrès moral d'abord, le progrès matériel ensuite. Les deux premiers progrès amènent d'eux-mêmes et irrésistiblement le dernier. Que fait M. Bonaparte ? Il persécute et étouffe partout l'enseignement. Il y a un paria dans notre France d'aujourd'hui, c'est le maître d'école. Avez-vous jamais réfléchi à ce que c'est qu'un maître d'école, à cette magistrature où se réfugiaient les tyrans d'autrefois comme les criminels dans un temple, lieu d'asile ? Avez-vous jamais songé à ce que c'est que l'homme qui enseigne les enfants ? Vous entrez chez un charron, il fabrique des roues et des timons. Vous dites « c'est un homme utile ». Vous entrez chez un tisserand, il fabrique de la toile. Vous dites « c'est un homme précieux ». Vous entrez chez un forgeron, il fabrique des pioches, des marteaux, des socs de charrue. Vous dites « c'est un homme nécessaire ». Ces hommes, ces bons travailleurs, vous les saluez. Vous entrez chez un maître d'école, saluez plus bas. Savez-vous ce qu'il fait ? Il fabrique des esprits. Il est le charron, le tisserand et le forgeron de cette œuvre dans laquelle il aide Dieu, l'avenir. Eh bien, aujourd'hui, grâce au parti prêtre régnant, comme il ne faut pas que le maître d'école travaille à cet avenir, comme il faut que l'avenir soit fait d'ombre et d'abrutissement et non d'intelligence et de clarté, voulez-vous savoir de quelle façon on fait fonctionner cet humble et grand magistrat, le maître d'école ? Le maître d'école sert la messe, chante au lutrin, sonne vêpres, range les chaises, renouvelle les bouquets devant le Sacré-Cœur, fourbit les chandeliers de l'autel, époussette le tabernacle, plie les chapes et les chasubles, tient en ordre et en compte le linge de la sacristie, met de l'huile dans les lampes, bat le coussin du confessionnal, balaie l'église et un peu le presbytère. Le temps qui lui reste, il peut, à la condition de ne prononcer aucun de ces trois mots du démon « patrie, république, liberté », l'employer, si bon lui semble, à faire épeler l'ABC aux petits-enfants. Monsieur Bonaparte frappe à la fois l'enseignement en haut et en bas pour plaire aux curés, en haut pour plaire aux évêques. En même temps qu'il cherche à fermer l'école de village, il mutile le Collège de France. Il renverse d'un coup de pied les chaires de Quinet et de Michelet. Un beau matin, il déclare par décret suspecte les lettres grecques et latines et interdit le plus qu'il peut aux intelligences le commerce des vieux poètes et des vieux historiens d'Athènes et de Rome, flairant dans Eschyle et dans Tacite une vague odeur de démagogie. Il met d'un trait de plume les médecins, par exemple, hors l'enseignement littéraire, ce qui fait dire au docteur Serre « Nous voilà dispensés par décret de savoir lire et écrire. » Impôt nouveau, impôt somptuaire, impôt vestiaire. Nemo odeat comedere proter duo fercula cum potagio. Impôt sur les vivants, impôt sur les morts, impôt sur les successions, impôt sur les voitures, impôt sur le papier. Bravo, hurle le parti Bedeau, moins de livres. Impôt sur les chiens, les colliers paieront. Impôt sur les sénateurs, les armoiries paieront. Voilà qui va être populaire, dit M. Bonaparte en se frottant les mains. C'est l'empereur socialiste, vocifèrent les affidés dans les faubourgs. C'est l'empereur catholique, murmurent les béats dans les sacristies. Qu'il serait heureux s'il pouvait passer ici pour Constantin et là pour Babeuf. Les mots d'ordre se répètent, l'adhésion se déclare, l'enthousiasme gagne de proche en proche, l'école militaire dessine son chiffre avec des baïonnettes et des canons de pistolet, l'abbé Gaume et le cardinal Gousset applaudissent. On couronne de fleurs son buste à la halle, Nanterre lui dédie des rosières, l'ordre social est décidément sauvé, la propriété, la famille et la religion respirent, et la police lui dresse une statue. De bronze ? Fi donc, c'est bon pour l'oncle. De marbre ? Tu es pietri et super ane pietram, edificabo effigiem meam. Note de bas de page. On lit dans une correspondance bonapartiste : la commission nommée par les employés de la préfecture de police a estimé que le bronze n'était pas digne de reproduire l'image du prince. C'est en marbre qu'elle sera taillée. C'est sur le marbre qu'on la superposera. L'inscription suivante sera incrustée dans le luxe et la magnificence de la pierre. souvenir du serment de fidélité au prince-président prêté par les employés de la préfecture de police le 29 mai 1852 entre les mains de M. Pietri, préfet de police. Les souscriptions entre les employés, dont il a fallu modérer le zèle, seront ainsi réparties. Chef de division, 10 francs. Chef de bureau, 6 francs. Employés à 1800 francs d'appointement, 3 francs. À 1500 francs d'appointement, 2 francs 50. Enfin, à 1200 francs d'appointement, 2 francs. On calcule que cette souscription s'élèvera à plus de 6000 francs. Fin de la note de bas de page. Ce qu'il attaque, ce qu'il poursuit, ce qu'ils poursuivent tous avec lui, ce sur quoi ils s'acharnent, ce qu'ils veulent écraser, brûler, supprimer, détruire, anéantir, est-ce ce pauvre homme obscur qu'on appelle instituteur primaire? Est-ce ce carré de papier qu'on appelle un journal? Est-ce ce fascicule de feuillet qu'on appelle un livre? Est-ce cet engin de bois et de fer qu'on appelle une presse? Non. C'est toi, pensée. C'est toi, raison de l'homme. C'est toi, 19e siècle. C'est toi, providence. C'est toi, Dieu. Nous qui les combattons, nous sommes les éternels ennemis de l'ordre. Nous sommes, car ils ne trouvent pas encore que ce mot soit usé, des démagogues. Dans la langue du duc d'Albe, croire à la sainteté de la conscience humaine, résister à l'inquisition, braver le bûcher pour sa foi, tirer l'épée pour sa patrie, défendre son culte, sa ville, son foyer, sa maison, sa famille, son Dieu, cela se nommait la gueuserie. Dans la langue de Louis Bonaparte, lutter pour la liberté, pour la justice, pour le droit, combattre pour la cause du progrès, de la civilisation, de la France, de l'humanité, vouloir l'abolition de la guerre et de la peine de mort, prendre au sérieux la fraternité des hommes, croire au serment juré, s'armer pour la constitution de son pays, défendre les lois, cela s'appelle la démagogie. On est démagogue au XIXe siècle comme on était gueux au XVIe. Ceci étant donné que le dictionnaire de l'Académie n'existe plus, qu'il fait nuit en plein midi, qu'un chat ne s'appelle plus un chat et que Baroche ne s'appelle plus un fripon, que la justice est une chimère, que l'histoire est un rêve, que le prince d'Orange est un gueux et le duc d'Albe un juste, que Louis Bonaparte est identique à Napoléon le Grand, que ceux qui ont violé la Constitution sont des sauveurs et que ceux qui l'ont défendue sont des brigands, en un mot, que l'honnêteté humaine est morte, soit. Alors, j'admire ce gouvernement. Il va bien. Il est modèle en son genre. Il comprime, il réprime, il opprime, il emprisonne, il exile, il mitraille, il extermine et même il gracie. Il fait de l'autorité un coup de canon et de la clémence à coups de plat de sabre. À votre aise, répètent quelques braves incorrigibles de l'ex-parti de l'ordre, indignez-vous, raillez, flétrissez, conspuez, cela nous est égal, vive la stabilité, tout cet ensemble constitue, après tout, un gouvernement solide. Solide ? Nous nous sommes déjà expliqués sur cette solidité. Solide ? Je l'admire, cette solidité. S'il neigeait des journaux en France seulement pendant 2 jours, le matin du 3e jour, on ne saurait plus où M. Louis Bonaparte a passé. N'importe, cet homme pèse sur l'époque entière, il défigure le 19e siècle et il y aura peut-être dans ce siècle 2 ou 3 années sur lesquelles, à je ne sais quelle trace ignoble, on reconnaîtra que Louis Bonaparte s'est assis là. Cet homme, chose triste à dire, est maintenant la question de tous les hommes. À de certaines époques dans l'histoire, le genre humain tout entier, de tous les points de la terre, fixe les yeux sur un lieu mystérieux d'où il semble que va sortir la destinée universelle. Il y a eu des heures où le monde a regardé le Vatican, Grégoire VII, Léon X avaient là leur chair. D'autres heures où il a contemplé le Louvre, Philippe Auguste, Louis IX, François Ier, Henri IV étaient là. L'Escurial, Saint-Just, Charles Quint y songeait, Windsor, Élisabeth la Grande y régnait, Versailles, Louis XIV, entouré d'astres, y rayonnait, le Kremlin, on y entrevoyait Pierre le Grand, Potsdam, Frédéric II s'y enfermait avec Voltaire. Aujourd'hui, baisse la tête, histoire, l'univers regarde l'Élysée. Cette espèce de porte bâtarde, gardée par 2 guérites peintes en coutil, à l'extrémité du faubourg Saint-Honoré, voilà ce que contemple aujourd'hui, avec une sorte d'anxiété profonde, le regard du monde civilisé. Ah, qu'est-ce que c'est que cet endroit, d'où il n'est pas sorti une idée qui ne fût un piège, pas une action qui ne fût un crime. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où habitent tous les cynismes avec toutes les hypocrisies? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où les évêques coudoient Jeanne Poisson dans l'escalier et comme il y a 100 ans la saluent jusqu'à terre, où Samuel Bernard rit dans un coin avec Laubardemont, où Escobar entre donnant le bras à Guzman d'Alfarache, où, rumeur affreuse, dans un fourré du jardin l'on dépêche, dit-on à coups de baïonnette, des hommes qu'on ne veut pas juger, où l'on entend un homme dire à une femme qui intercède et qui pleure « Je vous passe vos amours, passez-moi mes haines ». Qu'est-ce que c'est que cet endroit où l'orgie de 1852 importune et déshonore le deuil de 1815, où Césarion, les bras croisés ou les mains derrière le dos, se promène sous ces mêmes arbres, dans ces mêmes allées que hante encore le fantôme indigné de César? Cet endroit, c'est la tache de Paris, cet endroit, c'est la souillure du siècle, cette porte d'où sortent toutes sortes de bruits joyeux, fanfares, musique, rires, choc des verres. Cette porte, saluée le jour par les bataillons qui passent, illuminée la nuit, toute grande ouverte avec une confiance insolente, c'est une sorte d'injure publique, toujours présente. Le centre de la honte du monde est là. Ah, à quoi songe la France? Certes, il faut réveiller cette nation, il faut lui prendre le bras, il faut la secouer, il faut lui parler, il faut parcourir les champs, entrer dans les villages, entrer dans les casernes, parler au soldat qui ne sait plus ce qu'il a fait, parler au laboureur qui a une gravure de l'empereur dans sa chaumière et qui vote tout ce qu'on veut à cause de cela. Il faut leur ôter le radieux fantôme qu'ils ont devant les yeux. Toute cette situation n'est autre chose qu'un immense et fatal quiproquo. Il faut éclaircir ce quiproquo, aller au fond, désabuser le peuple des campagnes surtout, le remuer, l'agiter, l'émouvoir, lui montrer les maisons vides, lui montrer les fosses ouvertes, lui faire toucher du doigt l'horreur de ce régime-ci. Ce peuple est bon et honnête, il comprendra. Oui, paysans, ils sont deux, le grand et le petit, l'illustre et l'infâme, Napoléon et Naboléon. Résumons ce gouvernement. Qui est à l'Élysée et aux Tuileries? Le crime. Qui siège au Luxembourg? La bassesse. Qui siège au Palais Bourbon? L'imbécilité. Qui siège au Palais d'Orsay? La corruption. Qui siège au Palais de justice? La prévarication. Et qui est dans les prisons, dans les forts, dans les cellules, dans les casemates, dans les pontons, à Lambessa, à Cayenne, dans l'exil? La loi, l'honneur, l'intelligence, la liberté, le droit. Proscrit, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez la bonne part.